plus. Le sens du temps, je n'ai plus. Le temps d'attendre que le temps passe. Au fil du temps, le temps défile. Au fil du temps, le temps défile. Je cherche un passe-temps de temps en temps, quand le temps permet, je me mets sur un autre temps. Au fil du temps, le temps défile. Au fil du temps, le temps défile. Dans le temps de fuseau en horaire décalé, montant, descendant. Dans combien de temps le temps s'arrête? Que faisons-nous du temps perdu? Que dois-je faire pour tuer le temps? Perte de temps, je n'attends plus. Au fil du temps, le temps défile. Au fil du temps, le temps défile.